Chapitre 27e, la lettre oubliée. C'était le dernier jour de mars, 5h du soir avait sonné. La grande cloche de la manufacture Ashley avait annoncé aux ouvriers qu'il était l'heure d'aller prendre le thé. De toutes parts, sur les escaliers, on entendait des pas pressés. Le rez-de-chaussée n'était pas utilisé pour les procédés de la fabrication qui se faisaient au premier et au second étage. Le premier ouvrait dans ce qu'on appelle la chambre de service. À droite de cette vaste pièce était située la chambre de Samuel Lynn et le cabinet de M. Ashley ou la caisse. À gauche, divers corridors conduisaient aux autres pièces. Le comptoir qui traversait en entier la chambre faisait l'office de barrière entre le premier et le second étage. Les ouvriers descendaient en foule. Samuel Lynn changeait d'habit et se disposait à les suivre. William Halliburton l'attendait, car il allait et revenait toujours avec le Quaker. Quand la voix de M. Ashley appela « William !»« N'as-tu pas entendu le patron t'appeler ?» William avait parfaitement entendu la voix de M. Ashley, mais il était si rare qu'elle lui fut adressée qu'il n'avait pas fait attention. Il se hâta d'entrer, la casquette à la main. « Les ouvriers sont-ils descendus ?» demanda M. Ashley qui cachetait une lettre. « Oui, monsieur, » répondit William. « George Dance est-il aussi parti ?» George Dance était un apprenti qui avait pour mission de porter les lettres à la poste. « Ils sont tous partis, monsieur, excepté M. Lynn et James Maisy, qui attendent pour fermer à clé. Savez-vous où est la poste ?»« Oh oui, monsieur, à l'autre bout de la ville. Eh bien, portez cette lettre et jetez-la soigneusement. » William reçut la lettre et la mit dans la poche de sa veste. Elle était adressée à Bristol. Le courrier de Londres était déjà parti. M. Ashley mit son chapeau et quitta la fabrique, suivi de Samuel Lynn et de William. James Maisy ferma la manufacture et emporta les clés dans sa maison située sur les terrains mêmes de la manufacture. « Ne viens-tu pas avec moi ce soir ?» demanda Samuel Lynn à William qui prenait une route opposée. « Non, le patron m'a donné une lettre à mettre à la poste. J'ai aussi une commission à faire pour ma mère. » Madame Halliburton avait chargé William de lui acheter des chandelles et du savon dans la boutique de Lockheed, boutique assez éloignée, mais dont le commerce plus considérable permettait aux marchands de vendre ses articles un sou meilleur marché qu'ailleurs, et pour Jane, un sou avait de l'importance. William marchait vite. Comme il passait devant la cathédrale, il aperçut les collégiens sortant tous de la classe. C'était le jour d'entrée de gare. William s'arrêta et chercha à distinguer son petit frère dans la foule. Un des écoliers aperçut William. C'était Cyril Dare, le troisième fils de M. Dare, un garçon plus âgé, beaucoup plus grand que William. « Est-ce que ce n'est pas au grand de Sir Halliburton, planté là » cria-t-il à un groupe qui l'entourait. « Peut-être va-t-il venir encore au milieu de nous, comme si nous n'avions pas assez de deux. Regardez-le donc, c'est un commissionnaire de chez Ashley. » Frank Halliburton, qui malgré sa petite taille, ne manquait ni d'esprit ni de courage, l'entendit et s'avança vers Cyril. « C'est mon frère. »« Qu'est-ce que tu as à dire contre lui ?» Cyril lui lança un regard de dédain. « Petite bête, je dis que ce n'est qu'un imbécile. » « Ce n'est pas vrai !» cria Frank. « Tu en es un toi-même !» Cyril Dare, assez fort pour assommer Frank, se jeta sur lui et le battit sans miséricorde. William, témoin de la scène sans la comprendre, se fraya un chemin dans la foule pour aller au secours de Frank. « Laissez-le tranquille » cria-t-il. « Comment pouvez-vous être assez lâche pour battre un petit garçon et deux contre un encore? Quelle honte !» S'il y avait une chose que les collégiens ne voulussent pas supporter, c'était de voir un étranger se mêler de leur querelle. William eut à souffrir de son intervention. Le traitement de Frank n'était rien, en comparaison de celui qu'il eut à subir. On le renversa par terre, on lui donna des coups de pied, des coups de poing, des soufflets. Cyril Dare tout le premier. À ce moment, le professeur apparut, les tyrans s'éclipsèrent tous, à l'exception de Cyril. Arrêté près du mur, à quelques mètres de distance, était un jeune garçon à cheval. Il avait des traits expressifs, de grands yeux bruns, un teint trop frais pour annoncer la santé, des cheveux noirs et bouclés, la main blanche effilée. Deux lignes creusées par la souffrance traversaient son front pâle. Il avait un an de plus que William, mais frêle et mince, on l'aurait cru beaucoup plus jeune. Voyant ce qui se passait, il dirigea son poney vers Cyril, qui se disposait lentement à suivre ses camarades, les garçons de sa classe, affectant généralement de mépriser les sous-maîtres. Cyril se retourna en s'entendant appeler. « Comment, est-ce vous, Henry Ashley? D'où sortez-vous donc ?»« Cyril Dare, vous êtes un lâche !» Cyril devint de plus en plus irrité. Il vous est facile de parler ainsi, vous, cria-t-il. Vous savez que vous pouvez dire sans crainte tout ce que vous voulez. Il n'y a pas moyen de châtier un estropié comme vous. Le sang monta aux joues de Henry Ashley. Une insulte pareille sur une nature sensible, timide et délicate tombe avec une amertume que ne peuvent comprendre ceux qui n'ont pas éprouvé d'affliction semblable. « Vous êtes un lâche, » répéta-t-il, en regardant Cyril en face et en rougissant de plus en plus. « Vous frappez un petit garçon parce qu'il défend son frère. » « Vous n'avez pas entendu ?» dit Cyril. « J'en ai suffisamment entendu. Je vous répète que vous êtes un lâche. » « Vous ne savez pas que ce sont des commissionnaires, des pauvres. Qu'est-ce que cela me fait ? Et quand ce seraient des ramoneurs ? Vous ne seriez pas moins un lâche, et vous le serez toute votre vie. Si j'avais des forces, je vous traiterais comme vous les avez traités. » « Oui, mais vous n'en avez pas, » répéta Cyril d'un ton moqueur. « Et comme vous me paraissez disposé à entrer dans un de vos actes d'héroïsme, je m'en vais vous laisser, car je n'ai pas de temps à perdre. » Le débat n'avait pas duré 2 minutes. Et William avait à peine eu le temps de se relever. Il s'appuyait contre le mur, la tête étourdie, le nez saignant. Henry Ashley tourna son poney vers lui. « Avez-vous du mal ?» lui demanda-t-il amicalement, ses grands yeux pleins de sympathie. « Non, merci, ce n'est rien, » répondit William. « Quel qu'il soit, ce garçon est joliment lâche. »« C'est Cyril Dare !» cria Frank. « Oui, c'est Cyril Dare !» dit Henry Ashley. « Je lui ai dit ce qu'il valait. C'est un de mes cousins, à un degré éloigné. » J'en ai vraiment honte. Je suis bien aise que vous ne soyez pas blessé. Henry Ashley s'éloigna. Frank alla d'un autre côté avec gare. William prit la route de la ville. Malgré ce qu'il avait répondu à Henry, il se sentait souffrant. La tête et les bras lui faisaient mal. Peut-être aussi avait-il faim. Il acheta ce que lui avait demandé sa mère et retourna chez lui, la lettre de M. Ashley lui sortant complètement de la mémoire. Frank, avec l'exagération habituelle aux écoliers, avait fait à sa mère un tel tableau des coups qu'avait reçu William, que Jane s'attendait à le voir arriver à moitié mort. Samuel Lynn, l'ayant appris, dit à William qu'il pouvait rester ce soir-là chez lui au lieu d'aller, comme tous les soirs, passer 2 heures à la manufacture. Après cette bataille, le repos ne pouvait que faire grand bien à William. Il se faisait tard, l'heure du sommeil allait sonner, quand il se souvint subitement de la lettre de M. Ashley. Aussitôt, il mit la main dans sa poche. La lettre qui était « saine et sauve », avec quelques paroles d'explication si vives et si incohérentes que Jane n'en comprit pas un mot. William saisit son chapeau et courut dans la direction de la ville. Les garçons de bonnes jambes et de bons poumons, et William ne ralentit sa course qu'une fois arrivé à la poste, éloigné d'un mille. Jetant la lettre dans la boîte, il s'appuya contre le mur pour reprendre haleine. Un commis à la porte du bureau sifflait, les mains dans les poches. Un étranger sortant d'un hôtel voisin s'approcha, une lettre à la main. « N'est-ce pas là le bureau de la poste ? » demanda-t-il au commis. « Oui, monsieur. Ai-je encore le temps d'envoyer une lettre à Bristol ? » ?»« Non, monsieur. Le courrier de Bristol vient de partir. » William entendit ce dialogue tout consterné. S'il était trop tard pour la lettre de ce monsieur, il était trop tard pour celle de M. Ashley. Il n'en parla à personne ce soir-là. Mais il resta longtemps éveillé, en songeant aux conséquences possibles de son oubli. La lettre pouvait être importante, M. Ashley pourrait bien le renvoyer, et pourtant ses 5 francs par semaine étaient devenus indispensables au ménage. Quand il se leva à 6 heures, il trouva sa mère déjà à l'ouvrage. Il lui fit le récit de ce qui était arrivé la veille. « Que dois-je faire, maman ? » demanda-t-il. « William, adresse-toi cette question. Que dois-tu faire ? Réfléchis à maman. Je suppose que je dois le dire, M. Ashley. » « Ne dis pas « je suppose », mon cher enfant, tu le dois certainement. »« Oui, c'est vrai, maman. J'y ai pensé toute la nuit, mais cela ne m'amuse pas. »« Ah, mon enfant, il y a bien des choses qui ne nous amusent pas en ce monde. »« Le premier chagrin est toujours le pire. Regarde-le en face et le mal diminuera. »« Ton devoir dans ce cas est tout tracé. Va, voilà M. Lynn qui t'attend. » William partit le cœur gros à la pensée de la tâche qu'il devait accomplir après le déjeuner. Il sentait que c'était là son devoir. Sa mère l'avait dit, il leur avait appris à tous à faire leurs devoirs dans les petites comme dans les grandes circonstances. M. Ashley arriva ce matin-là vers 9h30. Il parcourut son courrier, puis travaillait quelque temps avec Samuel Lynn. À 10h, la caisse était libre. M. Ashley y était seul. Le moment était venu. William entra et s'approcha du pupitre. M. Ashley, qui écrivait, leva les yeux. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » William pâlissait, rougissait tour à tour. Son naturel sensible trahissait toujours son émotion intérieure, il ne pouvait articuler une parole. Mrs. Ashley, surpris, le regardait. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc ? » répéta-t-il. « S'il vous plaît, monsieur, je suis bien fâché, mais la lettre ?» balbutia William. « La lettre ? » répéta Mrs. Ashley. « Quelle lettre ?»« Pas celle que je vous avais chargée de mettre à la poste. Je l'ai oubliée, monsieur. »« Oublié de la mettre à la poste ? » Quelle impardonnable étourderie, où est-elle ? Je l'ai oubliée jusqu'au soir, monsieur, alors j'ai couru la mettre au bureau. Mais après, j'ai entendu un commis dire que le courrier de Bristol venait de partir. J'en suis bien fâché, monsieur, répéta-t-il après une pause. Comment avez-vous fait pour l'oublier ? Vous auriez dû y aller directement depuis ici. C'est ce que je faisais, monsieur, mais... Mais quoi ? Demanda monsieur Ashley, car William s'était encore arrêté. Les garçons du collège me sont tombés dessus, monsieur. Ils battaient mon frère, et je me suis interposé, alors ils se sont tournés contre moi. C'est ce qui m'a fait oublier la lettre. Comment ? Est-ce vous qui vous êtes battu avec les collégiens ? S'écria monsieur Ashley, à qui son fils avait raconté l'histoire. William attendait. Monsieur, est-ce que cette lettre était bien importante ? Elle aura pu l'être. Ne faites plus d'étourderies pareilles à l'avenir. J'essaierai, monsieur. Monsieur Ashley allait continuer sa lettre. William attendait encore. Pourquoi restez-vous donc ? Demanda M. Ashley. J'espère que vous ne me renverrez pas pour cette fois, monsieur, dit-il en changeant encore de couleur. Eh bien non, pas cette fois, répondit M. Ashley en souriant. Mais j'aurais été plus disposé à vous renvoyer si vous m'aviez caché le fait. Quelle que soit la faute, l'étourderie dont vous vous rendrez coupable, avouez-le tout de suite, c'est le meilleur plan et le plus facile. Vous pouvez retourner à votre ouvrage. William sortit le cœur plus léger. M. Ashley le suivit des yeux. « Brave garçon, murmurait-il, combien d'autres se serais-tu ? Il a été à bonne école. » Le même jour, William se trouva de nouveau en contact avec son maître. M. Ashley venait parfois à la manufacture après le thé. Ce soir-là, il ne vint pas. Un monsieur arriva pour lui parler d'affaires et attendait à la caisse. Samuel Lynn, l'alter ego de M. Ashley, en sortit une lettre à la main. « William, mets ton chapeau et porte ceci au patron. Demande à le voir et dis-lui que j'attends une réponse. » William partit en courant. Il n'y avait pas à craindre cette fois qu'il oubliât sa commission. Le billet portait la simple suscription habituelle au Quaker Thomas Ashley. Et si William avait pu regarder à l'intérieur, il aurait vu qu'au lieu du titre de monsieur, la lettre commençait par ces mots « Honorable ami ». Il aperçut sa mère assise à la fenêtre, travaillant aux dernières lueurs du jour, et lui fit un signe de tête en passant. « Puis-je voir Monsieur Ashley ? » demanda-t-il en atteignant la maison. Le domestique le fit entrer dans le vestibule et ouvrit la porte de la salle à manger. Monsieur Ashley s'y promenait lentement pendant que Henry, assis à une table, préparait son exercice latin pour son professeur. Monsieur Ashley avait l'habitude d'aider son fils et de lui expliquer les règles difficiles, mais les souffrances de Henry lui rendaient l'étude fatigante. Il était sujet à des accès de mauvaise humeur que l'on ne pouvait maîtriser aisément. Le domestique dit à son maître qu'on le demandait. Monsieur Ashley alla dans le vestibule. « Oh, c'est vous, William. Entrez. » William s'avança. « Monsieur Lynn m'a dit que je devais vous voir vous-même, monsieur, et vous avertir qu'il attendait une réponse. » Monsieur Ashley le biait. « Asseyez-vous, » dit-il à William, et il quitta la chambre. William sentit que c'était bien quelque chose que M. Ashley reconnut une différence entre lui et les petits commissionnaires de la manufacture qui certainement sera resté dans le vestibule. William s'assit sur la première chaise. Henry le regardait. Il reconnaissait bien le garçon que les collégiens avaient maltraité le jour précédent. Mais Henry n'était jamais aimable ni même poli lorsqu'il était à ses leçons. Sa hanche lui faisait mal et son exercice l'irritait. C'est toujours ainsi. Encore 5 minutes. « Et j'aurais fini cet horrible exercice. Papa est toujours dérangé quand il m'aide. Que c'est ennuyeux. » Madame Ashley entr'ouvrit la porte. « Je croyais que ton papa était ici, Henry. Non, il est dans son cabinet. Et je suis interrompu. Il a reçu une maudite lettre à laquelle il est allé répondre. Et je ne sais pas s'il faut mettre ce mot datif ou à l'ablatif. Je vais le barrer avec ma plume. Henry, Henry, ne t'impatiente donc pas. » Madame Ashley ferma la porte. Et Henry continua à se désoler. À la fin, William s'approcha de lui. « Voulez-vous que je vous aide ?» La surprise arrêta les murmures de Henry. « À vous ? » s'écria-t-il. « Est-ce que vous savez le latin ? » ?»« Je suis un peu plus avancé que vous. Mon frère Gar en est au point où vous en êtes. Voulez-vous que je vous aide ? » ?»« Sommeil mal. il devrait être à l'accusatif. Eh bien, si vous pouvez m'aider, je ne demande pas mieux, car je voudrais avoir fini, dit Henry en appuyant d'un air de doute sur le mot « pouvait ». Vous pouvez vous asseoir, si vous le désirez, ajouta-t-il d'un ton protecteur. Merci, je n'y tiens pas, répondit William, en commençant aussitôt sa tâche. Les deux garçons s'enfoncèrent dans leur exercice, William ne le faisant pas à la place de Henry, mais facilitant à Henry sa tâche, comme le lui faisait faire M. Halliburton. « Dites donc, cria Henry, qui est-ce qui vous a donné des leçons ?»« Papa, il me consacrait beaucoup de temps. » « Voilà un mot qui est mal, » et il jeta les yeux sur le haut de la page. « Vous l'avez mis au datif et il devrait être au vocatif. »« Alors vous vous trompez, c'est papa qui me l'a dit et il ne peut pas faire de faute. Papa est un des hommes les plus instruits du pays, quoiqu'il soit manufacturier, » ajouta Henry, qui avait sucé auprès des dères un certain mépris pour les affaires. « Il doit être au vocatif, » insista William. « Je ne le changerai pas, » en voilà une idée de trouver des fautes dans le latin de M. Ashley. « Continuons. » « Quel cas faut-il mettre là ?» La dernière phrase était écrite quand M. Ashley ouvrit la porte, appela William et lui remit un billet pour M. Lynn. William partit et M. Ashley retourna compléter le latin interrompu. « Dis donc, papa, cet individu c'est le latin ? Quel individu ? Mais ce bonhomme qui vient de partir, il m'a aidé à faire mon exercice. Il ne l'a pas fait à ma place, n'ayez pas peur, mais il m'a expliqué comment je devais m'y prendre et il me l'a rendu plus facile que vous, papa. » M. Ashley prit le cahier. L'exercice n'avait pas une faute. Il savait bien que Henry n'aurait pu le faire seul. Henry continuait. Il a dit que son papa le lui expliquait comme cela. Un de nos commissionnaires. Il ne faut pas le confondre avec les commissionnaires ordinaires, Henry. Il a été aussi bien élevé que toi. Je le pensais, car il ne manque pas d'impertinence. A-t-il été impertinent avec toi? Avec moi? Oh non, il a été très poli, si je ne m'étais pas rappelé ce qu'il était. Je lui retrouvais l'air très comme il faut. Pendant qu'il me parlait, j'oubliais ce qu'il était et je le traitais comme un égal et lui de même. Je l'appelais impertinent parce qu'il a trouvé une faute dans votre latin. Vraiment ? Dit M. Ashley un sourire sur les lèvres. Il a dit que ce mot était mal écrit, qu'il fallait le mettre au vocatif. M. Ashley regardait. Il a raison, dit-il. Vous m'aviez dit le datif, papa ? Certainement non, Henry. C'est toi qui as fait la faute. Il soutenait que c'était mal. Quand même, je lui disais que c'était votre latin. « Papa, c'est le même garçon qui a eu cette histoire avec Cyril Dare. Quel dommage qu'un être aussi avancé dans son latin soit enfermé dans une manufacture. »« Le seul dommage, c'est qu'il y soit trop tôt, » répondit M. Ashley. « Son latin ne ferait aucun tort à la manufacture, ni la manufacture au latin. »« Je suis moi-même un manufacturier, Henry. Tu parais quelquefois l'ignorer. »« Les Dare sont toujours à me rabâcher aux oreilles qu'un manufacturier ne peut pas être un homme distingué. » « Je te prierai de rompre avec eux, si tu te permets d'écouter toutes les sottises qu'ils débitent. Cyril lui-même entrera probablement dans une manufacture. » Henry leva la tête d'un air étonné. « Je ne le crois pas, papa. Eh bien, moi, je le crois, » repartit M. Ashley d'un ton significatif. Henry savait que son père n'avançait jamais une chose avant d'en être sûr. Il éclata de rire, tant l'idée de voir Cyril Dare entrer dans une manufacture lui paraissait comique.